نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue toujours le chapitre qui concerne les ablutions et on est arrivé au hadith 43, hadith 43. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. On rapporte de Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en faisant passer les mains mouillées sur le toupet, le turban et sur les chaussures en cuir. Ce hadith, il est rapporté par Muslim, tel qu'a dit l'auteur, rahimahullah. Et il est rapporté finalement par Al-Jama'a, sauf le Bukhari. Il est rapporté par Al-Jama'a, par Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, et par l'imam Muslim, et par l'imam Ahmed, sauf le Bukhari. Et ce hadith, il a des hadiths qui sont témoins, hadith shawahid, tel que le hadith de Bilal qui se trouve dans Muslim, que le prophète sallam passe ses mains mouillées sur Al-Khimar, sur le khimar. C'est quoi le khimar? Le khimar dans ce hadith-là, c'est le turban, c'est l'imama qu'on roule autour de la tête. Et le khimar, c'est tout ce qui couvre la tête. D'accord? On dit khamar. Khamar, c'est quoi? C'est vin. Parce que le vin, il couvre la raison. D'accord? Et donc, khimar, le khimar de la femme, c'est ce qui couvre sa tête. Et le khimar de l'homme, c'est ce qui couvre la tête de l'homme. Et dans ce hadith-là, le khimar, c'est le turban. Donc, Bilal, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa ses mains sur le khimar. Et sur les chaussons. Alaykoum salam. Le deuxième shahid, c'est ce que rapporte l'imam al-Bukhari et autres, selon Amr ibn Umayyad Domri, radiyallahu anhu, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses ablutions, il passa ses mains mouillées sur le turban et sur les deux khuf, sur les deux chaussures en cuir. Et beaucoup de compagnons ont rapporté des hadiths de ce genre, qui sont des hadiths témoins, shawahid, tels que Anas, Tauban, Abu Moussa al-Ash'ari et Abu Umama. Et dans le hadith, le prophète sallam essuya la partie antérieure de sa tête et une partie de sa chevelure et le turban. D'accord? Donc il y a trois façons d'essuyer la tête. Il y a le fait d'essuyer la tête par-dessus les cheveux directement, de faire l'aller-retour tel que c'est rapporté par Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu et d'autres compagnons dans des hadiths authentiques qu'il passa ses mains sur ses cheveux. Ça, c'est la première façon. La deuxième, c'est il passa ses mains sur une partie de la chevelure qui se trouve au front, la partie antérieure, et il continue en essuyant l'imama, le turban. La troisième façon, c'est le prophète sallam a passé ses mains sur le turban carrément, sans toucher un cheveu de sa tête, directement sur le turban. Hadith de Bilal, hadith de Umayya, de Amr ibn Umayya al-Dumri. Et ces trois façons d'essuyer, ils ont été rapportés par beaucoup de compagnons, tels qu'on le trouve dans le livre de Ikhtiyarat al-Fiqhiyya d'Ibn Taymiyyah et dans le livre de Ibn al-Qayyim. Et l'imam Shawkani et autres savants, ils ont rapporté ces trois façons de passer les mains mouillées sur la tête. Certains fuqaha, jurisconsultes, ont pris comme argument qu'il est autorisé de passer les mains sur une partie de la tête. Alors, on a parlé de ça. C'est le madhhab de l'imam Shafi'i et le madhhab de l'imam Malik. Et aussi une version de l'imam Ahmed. Qu'ils ont pris ce hadith comme une preuve. Hadith de Mughira ibn Shu'ba. Ils ont dit, puisque le prophète sallam a touché une partie de sa chevelure et il a terminé son essuyage au-dessus du turban, donc ça c'est une preuve comme quoi il est autorisé de toucher juste une partie de sa chevelure et non pas couvrir toute la tête, mais le plus vraisemblable, on a parlé de ça dans les séances précédentes, qu'il faut essuyer la tête en entier. Et leur argument, il n'est pas fort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à essuyer le reste de sa tête par-dessus le turban. Donc cet argument n'est pas fort. Et ils n'ont pas de preuve comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé juste une partie de sa tête en l'absence du turban. Ils n'ont aucun dalil là-dessus. Donc il est obligatoire de couvrir toute la tête quand on s'essuie la tête. Dans ce hadith-là, il est autorisé de passer les mains par-dessus les chaussons, d'accord ? Hadith de Mughira ibn Shu'ba, il a passé les mains mouillées au-dessus de sa tête, sur le toupet, sur l'imama et sur les chaussures en cuir. Et on peut aussi, il y a une autre leçon à tirer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas les chaussons dans l'intention de passer les mains dessus dans les ablutions, et en même temps il n'enlevait pas les chaussures ou les chaussons dans l'intention de laver ses pieds. Ceci dépend de la situation où il est, d'accord. Il ne s'efforçait pas d'enlever ses chaussures pour laver ses pieds. Il ne s'efforçait pas de porter les chaussures pour essuyer dessus, d'accord. C'est selon la situation où il est, d'accord. Maintenant, le statut juridique, le hukm, concernant le fait d'essuyer. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est autorisé? Le premier avis, c'est qu'il est autorisé de passer les mains sur le turban. Et c'est le madhhab de Abu, c'est l'avis finalement de Abu Bakr, de Omar, de Abu Moussa, de Saad ibn Abi Waqqas et d'autres compagnons. Et une foule de savants, de prédécesseurs, et c'est le madhhab des gens du hadith, tels que l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahouya et Abu Thawr, Daoud al-Zahiri, Ibn al-Mundir et Sufyan al-Thawri et l'imam al-Awza'i. Leurs arguments, ils sont nombreux, dalil clair de hadith Mughira ibn Shu'ba, hadith de Bilal, hadith de Amr ibn Umayya, al-Dumri. Jusqu'au point où Omar radiallahu ta'ala a dit celui que le passage des mains mouillées au-dessus du turban ne le purifie pas, ben qu'Allah ne le purifie pas. Mais lam yutahhirhu al-mas'hu ala al-imama, fala tahharahu Allah. Il dit celui qui pense que le fait de passer les mains sur l'imama, sur le turban, n'auront pas les ablutions valables, ben qu'Allah ne le purifie pas dans ce cas. Le deuxième avis, c'est l'avis des trois imams, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il ne suffit pas de passer les mains mouillées sur le turban seulement. Il faut toucher au moins une partie de la chevelure. Au moins une partie de la chevelure. Pour eux, le fait d'essuyer juste le turban sans toucher le toupet ou la chevelure qui est dans la partie antérieure de la tête, ce n'est pas valable pour eux. Et leurs arguments, le verset. وَمْسَحُوا بِرَؤُوسِكُمْ, et passez les mains mouillées sur vos têtes. Et la tête, quand on parle de tête, on parle de la vraie tête, la chevelure. Donc il faut au moins toucher une partie de cette chevelure. Et ils disent que le passage des mains au-dessus du turban, c'est un acte supplémentaire, méritoire, pour avoir la récompense. Puisqu'on a dit tout à l'heure et précédemment que eux, ils voient qu'il faut juste essuyer une partie de la tête. Mais beaucoup d'arguments, leurs arguments ne sont pas forts là-dessus. Et nous, on répond que le masque, que le fait de passer les mains mouillées, il remplace le lavage déjà de la tête, et donc il suffit de passer les mains mouillées sur le turban. Sur le turban. Et puisque les chaussures ou les chaussettes remplacent les pieds, et qu'il suffit d'essuyer les pieds par-dessus les chaussures ou par-dessus les chaussettes sans toucher un seul doigt du pied ou une cheville, alors, lorsqu'il s'agit de passer les mains sur la tête par-dessus le turban, c'est le même motif. D'accord? Donc, si on interdit l'un, il s'ensuit nécessairement d'interdire l'autre, d'interdire le fait de passer les mains mouillées par-dessus les chaussons. Et ils disent certains savants que les cheveux, ils couvrent la tête, et donc le turban aussi, il couvre la tête, et il peut prendre la place de la tête. D'accord? Donc, quand on passe la main, c'est qu'on passe la main sur le turban, il remplace la tête, tout comme il remplace la tête parce qu'il le couvre, et les cheveux, ils remplacent la tête parce qu'ils couvrent la tête. Donc, ils disent que c'est la même chose. Le fait de, sans toucher une partie de la chevelure, c'est autorisé. Et ils ont donné autre argument, c'est ce que rapporte l'imam Tirmidhi, que Ibn Ubaida, Ibn Muhammad, Ibn Ammar, Ibn Yasser, il a dit, j'ai interrogé Jabir radiallahu anhu sur la question de faire le masah, d'essuyer, sur le turban. Et il répondit, fils de mon frère, que l'eau touche d'abord ta chevelure. Il s'appuie sur cet argument, c'est une parole d'un compagnon. Il a dit que au moins l'eau touche une partie de ta chevelure. Et c'est hadith rapporté par l'imam Tirmidhi avec un isnad authentique. Mais on va dire que c'est juste l'avis d'un compagnon. C'est juste l'avis d'un compagnon. C'est l'avis, certes, d'Ibn Omar, en plus de Jabir, mais c'est juste un avis de compagnon. Ils n'ont pas l'avis du prophète, puisque le prophète, la preuve était claire dans le hadith de Bilal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de passer les mains par-dessus le turban sans toucher une partie de sa chevelure. Donc il faut prendre en considération, mettre en avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le plus vraisemblable, il est autorisé de faire le masah sur le turban sans toucher une partie de la chevelure. Toutefois, les fuqaha ont émis des conditions. Ils ont dit, le turban qu'il est souhaitable, il est autorisé d'essuyer, c'est celui qui est pénible pour l'enlever. C'est dur de l'enlever. Que si on l'enlève, il se déroule. Et pour l'enrouler autour de la tête, c'est difficile. Donc, la législation a été tolérante ils ont dit, dans ce cas-là, il est autorisé à la personne de passer les mains par-dessus le turban. D'accord? Mais si juste la personne a une kolonsu ou une taguilla sur la tête ou quelque chose qu'on peut enlever facilement, qu'on peut remettre facilement, il n'a pas le droit de passer ses mains par-dessus ce khimar-là ou ce vêtement-là. D'accord? Donc, ils ont dit que le texte, il parle du turban parce que c'est dur de l'enrouler de nouveau et c'est pénible pour la personne à chaque fois qu'il fait ses ablutions, il faut qu'il l'enlève, il le déroule et puis il l'enroule de nouveau, etc. Et ils ont dit que la imama qu'il est autorisé d'essuyer, c'est l'imama qui a une queue derrière. Comme l'imama du prophète, le turban du prophète, il a une queue derrière, entre ses épaules. D'accord? Et ils ont dit, soit cette imama-là, soit l'imama qui couvre l'hank, le muhannaka, ça veut dire celle qu'on entoure autour du visage, d'accord? Autour de la tête et autour du visage, voire même autour du cou, d'accord? Comme l'imama qu'on voit chez les Touaregs, Vous avez vu ce genre de imam. Donc il est dur de l'enlever, de le dérouler, de l'enrouler de nouveau. Ils ont dit c'est de cet imam qu'a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit que le fait de passer les vapeurs par-dessus le turban qui n'a pas de queue ou qui n'enroule pas le cou et le visage, c'est le turban des mécréants, des koufars. Et donc nous on ne doit pas passer les mains par-dessus ces turbans-là puisqu'on va essayer de les ressembler. D'accord? Mais Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit qu'il est autorisé de faire le masah, que ce soit au-dessus de l'imama dhat du'aba, l'imama avec une queue, ou l'imama qui entoure le visage, ou l'imama samma, ça veut dire le turban qui n'a ni queue derrière, ni et qui n'entoure pas le visage. Et l'imam Ahmad rahimahullah, il a dit qu'il est détestable de faire le masque sur le turban sans queue. Et d'autres savants comme Abu Thawr rahimahullah, ils ont dit pour que le masque soit valable, il faut que la personne le mette, soit valable sur le turban, il faut que la personne mette ce turban là alors qu'il est déjà en état de purification. Ça veut dire qu'il a fait les ablutions et il a mis le turban au-dessus de sa tête. Comme le cas des chaussons, comme le cas des chaussures ou des chaussettes. Il les met et il met les chaussures alors que ses pieds sont, alors qu'ils sont déjà été auparavant lavés durant les ablutions. Il a émis cette condition, mais la majorité des savants, ils ont dit qu'il n'y a pas ce genre de condition. Cette condition, il n'est pas fondée sur une preuve. Ils ont même fait ça par analogie aux chaussures et aux chaussettes, que la durée de validité, quoi, du wodo, c'est 24 heures pour le résident, c'est 72 heures pour le voyageur. On va parler de ça, inchallah, dans le cours de friction des chaussures. Mais cette analogie, elle n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée. Il y a autre chose. Il y a une question qui se pose maintenant. Peut-on faire l'analogie entre le turban et le khimar, ce qui couvre la tête de la femme? Est-ce qu'on peut faire analogie? Certains savants ont dit oui. S'il est difficile à la femme d'enlever le voile, son foulard, il est vraiment difficile, il a mis des, je sais pas comment on appelle ça, des crochets, des trucs comme ça, il l'a serré contre sur sa tête, et c'est dur de l'enlever, de le remettre, c'est pénible pour elle, il est autorisé qu'elle passe la main par-dessus ce voile-là, par-dessus ce foulard. Et c'est le madhab de l'imam Ahmed et Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il rapporte que Salama, radiyallahu ta'ala, anha, il a passé sa main par-dessus son khimar, son voile. Bon, maintenant on rentre dans le hadith 44. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma fi sifati hajj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala sallallahu alayhi wa sallam ibda'u bima bada'a bihi Allah akhrajahu an-nasa'i hakadha bi lafd al-amr wa huwa 'inda Muslim bi lafd al-khabar. En rapport de Jabir ibn Abdillah qui décrivait la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le pèlerinage, disait commencer par quoi Allah a commencé. Et ce hadith, il est rapporté par Nasa'i sous forme impérative. Ça veut dire commencer. Ibda'u, commencer. Et dans la version de Muslim, c'est sous forme d'information. Ibda'u. Il informe juste. Il a dit, je commence par quoi Allah a commencé. Je commence. Et dans la version de Nasa'i, commencer. Commencer. Et la différence, c'est entre les verbes Abda'u et Ibda'u. Abda'u, c'est une information, c'est je commence. Et Ibda'u, c'est un verbe en impératif. Donc ça, c'est, on a parlé de ce hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire l'aller-retour entre le va-et-vient, entre le Safa et le Marwa. Et l'auteur, rahimahullah, il a pris ce hadith-là pour dire que la personne doit observer l'ordre. Il doit faire les ablutions en obéissant à l'ordre. Si une personne fait ses ablutions dans le désordre volontairement, ses ablutions ne sont pas bonnes. Hadith 45. Wa anhu, c'est-à-dire an Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda'a adara al-ma'a 'ala mirfaqihi akhrajahu ad-Darqutni bi isnadin da'if. En rapport de Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, qui disait: lors de ses ablutions, le prophète faisait passer l'eau autour de ses coudes. C'est un hadith rapporté par l'imam Darqutni dans une chaîne de transmission qualifiée de faible. Source du hadith. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Darqutni dans ses Sunan sous le titre chapitre description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bab sifat al-wudu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il met la remarque suivante. L'imam Darqutni dans ses Sunan, il met la remarque suivante à la fin du hadith. Il dit: Ibn Aqil n'est pas quelqu'un de fort. Bon, on rentre un peu dans Ilm al-Hadith. Ibn Aqil, son vrai nom, c'est Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Aqil al-Hashimi. Et les savants ont dit que cette personne qui se trouve dans cette chaîne de rapporteurs, dans cette chaîne de transmission, cette personne est faible. Les savants de la critique et la réhabilitation, Al-Jarh wa Ta'dil, ils ont dit que cette personne est faible. Imam Ahmad, il a dit: il n'est rien. Laysa bishay. Ça veut dire, on ne le tient pas en considération. L'imam Abu Hatim, il a dit: son hadith est matrouk, est voué à l'abandon. Et Abu Zura'a, Razi, il a dit: ces hadiths sont rejetés, hadithu munkara. Donc, conclusion, ce hadith, il est très faible et non pas isnad da'if, tout simplement. Ce n'est pas seulement une chaîne de rapporteurs faible, mais c'est un hadith très faible, da'ifun jiddan. Et donc, on ne peut pas, il ne remonte pas à être un argument, surtout concernant les lois, le licite et l'illicite, et il ne remonte pas au point d'être un témoin d'un autre hadith. Donc, c'est un hadith qui ne doit pas être tenu en considération. Mais, malgré sa faiblesse, l'auteur l'a mentionné pour appuyer le fait qu'il est autorisé de couvrir le coude, d'entourer ou de faire passer l'eau autour du coude. Mais ce hadith, comme on l'a dit, ne convient pas à être un argument ni un témoin. Ce qu'on peut dire, c'est que ce texte, le texte comme il est, quand le prophète sallam, il a passé les mains, il a entouré l'eau autour de ses coudes, que c'est le texte comme il est sahih, il est correct. Mais le hadith, il est très faible. Pourquoi? Parce que l'imam muslim, et on a dit ça durant une leçon précédente, que Abu Huraira radiallahu ta'ala an, quand il a fait ses ablutions, il a atteint le coude et il a commencé par une partie de son bras. Et il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire pareil. Il a dépassé le coude. Il a dépassé le coude, il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cette façon. Donc ça, c'est le fait de dépasser le coude, c'est autorisé. Mais il ne faut pas aller jusqu'à l'épaule. D'accord? De le dépasser, c'est autorisé. Et donc, cette phrase-là, elle est correcte. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé une partie du coude et il a fait le tour d'eau autour de son coude, il l'a dépassé. De même, un autre dalil aussi qui appuie cette phrase-là, c'est le hadith de Uthman, que le prophète sallam a lavé ses mains jusqu'à l'extrémité du bras. C'est un hadith rapporté par Darqutni. C'est le bras, quand on parle de ça, entre le coude et l'épaule. C'est le bras. Donc, il a commencé par l'extrémité du bras. Ça veut dire qu'il a atteint l'extrémité de son bras. C'est un hadith rapporté par l'imam Darqutni, et dans sa chaîne de rapporteurs, il y a Muhammad ibn Ishaq, celui qui a fait la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc Muhammad ibn Ishaq, il est un peu faible dans le hadith, mais le hadith le remonte à être authentique et il sert à être témoin. Un autre hadith, c'est le hadith rapporté par Al-Bazzar et Tabarani et autres. Il rapporte que selon Wa'il ibn Hajr, radiallahu ta'ala, que le prophète sallam lava ses mains jusqu'à dépasser les coudes. Donc, Ça, c'est un autre dalil. Et ce hadith est également faible. Mais le fait que le coude rentre dans le lavage, c'est l'avis de Jumhur l'ulama, l'avis de la foule des savants, les quatre imams, l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et l'imam Ahmed, et l'avis aussi de Ata et l'avis de Ishaq ibn Rahouya. Et l'imam San'ani, dans son livre Subul Salam, l'explication de ce livre Bulugh al-Maram, il a dit, il a fait la remarque suivante, il a dit, si l'auteur avait mis le hadith de Abu Huraira à la place du hadith Jabir, il aurait mieux fait. D'accord? Parce que le hadith de Abu Huraira, il est authentique. Hadith 46 maintenant. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحوة وقال أحمد لا يثبت فيه شيء en rapport de Abu Huraira رضي الله تعالى عنه qui disait le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit les ablutions il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'y prononce pas le nom d'Allah. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah. Hadith rapporté par Ahmed Abu Daoud et Ibn Majah avec une chaîne de rapporteurs faibles, qualifiés de faibles. Et Tirmidhi, il rapporte le hadith selon Saïd ibn Zayd et selon aussi Abi Saïd al-Khudri, un hadith qui est semblable. Mais Ahmed, il a fait le commentaire suivant, la remarque suivante, il a dit rien de cela n'est confirmé. Ce texte-là, il n'y a pas de wudu pour celui qui n'y prononce pas le nom d'Allah. Il fait partie d'un hadith de Abu Hurayra. Et le hadith en entier, c'est « La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayh. » Il n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas fait le wudu, et il n'y a pas de wudu pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah, n'a pas dit Bismillah. D'autres savants ont rapporté ce hadith, en plus de ce qu'a évoqué l'auteur, Ahmed Abu Daoud ibn Majah. En dehors de ces savants-là, il y a Al-Hakim, Al-Bayhaqi, et Ibn al-Sakhan, Al-Bazzar, Daraqutni. Et l'auteur a dit que la chaîne des rapporteurs est faible. Bon, parce que dans sa chaîne, il y a un homme qui est faible, qui s'appelle Yaqub ibn Salam al-Laythi. Donc selon son père, selon Abu Huraira. Et il y a des défauts dans cette chaîne. La première, que ce Ya'qub ibn Salama, il est très faible. Et le Hafid al-Dhahabi, l'élève d'Ibn Taymiyyah, il a dit c'est un cheikh sur lequel on ne peut pas s'appuyer. On ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il rapporte. Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit que c'est un inconnu. Ça veut dire on ne le connaît pas. Est-ce que c'est quelqu'un de digne de confiance ou c'est quelqu'un qui n'est pas fort? Al-Bukhari, dans son livre Kitab Tariq, parce qu'il a fait un livre qui s'appelle Kitab Tariq, livre d'histoire, il a dit Yaqub, on n'a pas de preuve qu'il a rapporté quoi que ce soit de son père. De même, son père n'a rien rapporté de Abu Huraira. Donc il y a une certaine rupture dans la chaîne des rapporteurs. Et Al-Hakim, quant à lui, il a dit que ce hadith est authentique dans son musnad. Il a dit que Muslim a tenu en considération ce que rapporte cet homme-là, Yaqub ibn Salama al-Majishun. Mais le Hakim, il a, rahimahullah, il s'est trompé, il a confondu entre deux hommes, Yaqub ibn Salama al-Majishun et Yaqub ibn Salama al-Layti, qui est faible. Donc ça c'est brièvement concernant un peu de Jarh wa Ta'dil. Bon, mais clair, la chaîne des rapporteurs est faible. Et à part cette chaîne de rapporteurs qui remonte jusqu'à Abu Huraira, il y a d'autres chaînes également faibles. Sur toujours la tasmiya sur le wudu. Et l'auteur, Ibn Hajar, il a dit, Tirmidhi a rapporté ce hadith selon Saïd ibn Zayd. Saïd, c'est l'un des 10 qu'Allah a promis pour le paradis. Et son père, c'est Saïd ibn Zayd, c'est Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Et même son père, le prophète sallam, il a témoigné qu'il est au paradis, bien que Zayd ibn Amr ibn Nufayl n'a pas vu le prophète sallam, il était monothéiste. On a parlé de ça dans la sira du prophète sallam. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, donc, il y a Tirmidhi, il a évoqué ses deux compagnons. Le hadith de Saïd ibn Zayd, il est rapporté par Ibn Majah, Dharqutni, al-Hakim, al-Bayhaqi, al-Bazzar. Et l'isnad de ce hadith, la chaîne des rapporteurs est faible, car elle comporte beaucoup d'inconnus. Et donc qualifié de faible par Abu Zur al-Razi, Abu Hatim, Ibn al-Qattan. Et après avoir mentionné ce hadith, Tirmidhi l'a dit, l'imam Ahmed a dit, je ne connais pas de hadith avec un bon isnad à ce sujet. L'imam Ahmed l'a dit, je ne connais pas de hadith avec une bonne chaîne de rapporteurs au sujet de la tasmiya, au sujet du fait de dire Bismillah avant l'autre. Et le Bukhari, rahimahullah, il a dit, le meilleur hadith à ce sujet, c'est le hadith de Rabah ibn Abdurrahman, c'est-à-dire le hadith de Saïd ibn Zayd. Et ce hadith-là est faible. Il a dit, le meilleur hadith, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Et pourtant, ce hadith-là est faible. Et donc, il ne faut pas confondre. Quand un savant, il dit, le meilleur hadith sous ce chapitre, c'est de telle personne, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il est authentique. Mais il a dit, le meilleur, il est faible, mais sa faiblesse n'est pas plus grave que les autres. Et le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, donc Tirmidhi, il évoque hadith de Saïd ibn Zayd et le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Il est rapporté par Tirmidhi, mais on ne le trouve pas dans ses sunan, dans le livre des sunan Tirmidhi, mais on le trouve dans un autre livre qui s'appelle Kitab al-Ilal, le livre, les motifs ou les défections des hadiths. Il est rapporté également par Dharqutni, le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Le Bayhaqi, rapporté également par Al-Hakim, Ibn Majal Bazzar, et son isnad est faible. Dans sa chaîne de rapporteurs, il y a Kathir Ibn Zayd qui est faible. Ces hadiths-là ont d'autres hadiths qui témoignent. Et tous ces hadiths sont faibles. Tels que ceux rapportés par Anas, Aisha, Abu Sabura, Ummu Sabura, Ali, Abu Ubaida, et tous ces hadiths sont faibles. Et ils sont entre le faible et le très faible. Maintenant, hukm, le statut juridique concernant le fait de dire Bismillah. Concernant le fait de dire Bismillah avant les ablutions. Jumhur l'ulama, la foule des savants, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, une version de l'imam Ahmed, retenue par Al-Khiraqi et Al-Maqdisi, retenue par ses élèves, et le choix d'Ibn Taymiyyah, Ibn Khuzayma, Al-Bayhaqi, Ibn Al-Mundhir, ils ont dit la prononciation de Bismillah avant les ablutions est souhaitable et non obligatoire. Et leurs arguments, premier argument, c'est le verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour faire les ablutions, lavez-vous le visage. Et dans le verset, il n'y a pas dites Bismillah après laver vos visages. Ça, c'est un argument. Et ils ont aussi le hadith selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, hadith de Abdullah ibn Amr ibn As. On a parlé de ce hadith, le bédouin qui demande à Prophète sallam comment faire les ablutions, et le Prophète sallam lui montra. Et il n'a pas dit Bismillah, il a lavé les mains trois fois, les poignets, et il a fait le madmad al-istinshaq, lavé le visage trois fois, etc. Et à la fin, il a dit, c'est de cette façon qu'il faut faire les ablutions. Celui qui ajouta a mal fait, a transgressé les limites, a été injuste. Et dans le hadith, ce n'est pas mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillah. Et les savants ont pris en considération ce hadith. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une situation où il est en train de détailler. Il détaille les choses jusqu'à la fin où il dit, celui qui ajouta, il a mal fait. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé, donc, la basmala ne rentre pas dans ces détails-là, donc il n'est pas une obligation et c'est juste souhaitable. Ça, c'est les arguments de ces savants-là. Le hadith qui est Amr ibn Shu'aib, il est rapporté par Abu Daoud et Nasa'i, comme on a dit dans les leçons précédentes. Et ils ont dit aussi que beaucoup de compagnons ont rapporté le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne n'a commencé par dire Bismillah. Tel que Wa'il ibn Hujr, tel que Laqit ibn Sabira, tel que Uthman. Et beaucoup de compagnons nous ont rapporté la façon dont fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses ablutions et personne n'a mentionné qu'il faut dire Bismillah. Et donc conclusion, dire bismillah pour eux, bon, c'est une sunna et non une obligation. Le deuxième avis, c'est la deuxième version de l'imam Ahmed, choisie par un groupe de savants, Hanbalites, tels que Abu Bakr, Ibn Abd al-Aziz, l'imam Khalal et Abu Ya'la et ses compagnons. Ils ont dit que la tasmiya est obligatoire et c'est aussi le madhab des Zahirites, l'école Zahirites, Ishaq ibn Rahouya et Hassan al-Basri. Tasmiya obligatoire et ils ont dit il est haram, carrément illicite de ne pas la faire. Et ils sont allés loin jusqu'au point la personne qui ne dit pas Bismillah, ses ablutions sont nulles. Il doit refaire ses ablutions. Et leurs arguments, c'est les hadiths évoqués. C'est les hadiths d'Aïf, hadith de Saïd ibn Zayd, hadith de Abu Saïd al-Khudri, hadith de Abu Huraira. Hadith de Abu Huraira qui est sous le titre. Ils ont dit que les hadiths évoqués précédemment, bien qu'ils soient faibles, mais ils se renforcent les uns et les autres. Ils ont dit que ces hadiths, certainement, ils se renforcent. Beaucoup de compagnons le rapportent. Malgré leur faiblesse, certes, les chaînes de rapporteurs, il y a toujours un homme ou deux hommes qui sont faibles ou voire très faibles. Mais le fait qu'ils soient rapportés par un nombre considérable de compagnons, c'est impossible que ce soit un hadith sans fondement. D'accord ? Ils ont dit ça. Et ils ont dit donc ces hadiths-là remontent à être assez bon, voire hasan, voire authentique, voire sahih. Et parmi ces savants-là, c'est Abu Bakr ibn Abi Shayba, il a dit, on peut affirmer par ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la tasmiya. Quand on réunit tous ces hadiths, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certainement fait la tasmiya, certainement fait la basmala, bismillah. Et le Mundhiri a dit, même si ces hadiths ne sont pas dénués de défection, mais ils se renforcent les uns les autres. Ibn Hajar, l'auteur de ce livre, Bulugh al-Maram, il a dit, ce qui paraît, c'est que ces hadiths, quand on les réunit, ensemble, ça augmente la certitude, ghalabat al-dhan, ça augmente la certitude que la tasmiya, le fait de dire bismillah, est recommandé par la religion. Ibn al-Qayyim, il a dit, les hadiths de la tasmiya, de dire bismillah, sont des hadiths qui sont assez bons. Hassan. Ibn Sayyid al-Nas, dans l'explication de Tirmidhi, il a dit certains sont bons, d'autres sont sahih. Ibn Kathir, l'élève de Ibn Taymiyyah, il a dit le hadith de Abu Huraira, si on réunit ces différentes voies, il est assez bon, son isnad est assez bon. L'imam Shawkani, dans l'Autar, il a dit. Et même dans son livre, Sayyid al-Jarrar, il a dit que c'est des hadiths qui sont assez bons. L'imam San'ani, celui qui a fait, dans son livre Subul Salam, celui qui a fait Bulugh al-Maram. Et parmi les contemporains, Sheikh al-Albani, rahimahullah, il dit que c'est un hadith assez bon. Donc, conclusion à propos de ce hadith, c'est un hadith qui a isnad, que c'est un hadith authentique. Comme le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas d'ablution si on n'y prononce pas le nom d'Allah. Conclusion, c'est un hadith assez bon parce que bon, il y a beaucoup de savants, surtout les contemporains, ils ont qualifié ce hadith d'authentique. Maintenant, il n'y a pas de wudu si la personne ne prononce pas le nom d'Allah. C'est un problème maintenant. Il n'y a pas de wudu. Comment expliquer ça? Bon, certains savants, ceux qui ont qualifié ce hadith d'authentique, ils ont dit la négation est soit une négation de l'existence réelle de la chose, soit une négation de l'authenticité religieuse de la chose, soit une négation de la réalisation de la chose sous forme parfaite. Exemple. Si quelqu'un a dit il n'y a pas d'homme dans cette maison. Une maison, et il a dit il n'y a pas d'homme dans cette maison. Donc qu'est-ce qu'on comprend nous? Qu'il n'y a vraiment pas d'homme, corps et âme, d'accord? Mais si nous on voit des hommes dans cette maison, et lui il dit il n'y a pas d'homme. Ah écoutez, il y a une dizaine dans cette maison, et lui il dit non, il n'y a pas d'homme. On passe vers quoi? Il n'y a pas de vrais hommes. D'accord? Il n'y a pas de vrais hommes. Sinon, il y a des mâles dans cette maison. D'accord? Donc on passe. Est-ce qu'on, quand on dit il n'y a pas de wudu, est-ce que vraiment il n'y a pas vraiment de wudu nul, que les ablutions sont nulles telles que c'est traduit dans ce livre-là, ou juste il n'y a pas de wudu parfait? D'accord? Ou complet. Il n'y a pas de wudu complet, plutôt parfait, fait à la perfection. D'accord? Comme l'exemple, le hadith de Bukhari, il est rapporté pas seulement par le Bukhari, mais par les sept. Sur la personne qui est entrée dans la mosquée, et il a fait la prière. Prosternation, recours, etc. Il est allé voir le Prophète sallam, et lui a dit salamu alaykoum. Et le Prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit retourne et refais la prière parce que tu n'as pas prié. Il n'a pas prié, il a prié ou il n'a pas prié? Il a prié ou il n'a pas prié? La personne l'a mis le front par terre, il s'est levé, il a fait son recours. Et le Prophète sallam lui a dit erja, fa salli fa innaka lam tusalli. Il a prié ou il n'a pas prié? Il a prié. C'est une négation de quoi? De l'authenticité religieuse de la chose. Et non pas de l'authenticité. Oui. Et non pas de la réalité de la chose. Sinon, la personne, il a prié. Donc, certains savants, ils disent, il n'y a pas de wudu parfait. D'accord? Et donc, le fait de dire tasmiya, c'est souhaitable et non obligatoire. Et d'autres, ils disent, non, il n'y a pas de wudu authentique religieusement, carrément. Et le fait de ne pas dire bismillah volontairement, ça annule les ablutions. D'accord? Donc il y a des avis différents des savants là-dessus. Ça, c'est le deuxième avis qui disent que c'est une obligation de dire la tasmiya. Ça, c'est le premier dalil. Hadith de Abu Huraira, et c'est un hadith. On pense qu'il est authentique. Parce que beaucoup de contemporains, et surtout le Chokani et tout, le San'ani et l'Albani, ils ont qualifié ce hadith d'authentique. La deuxième preuve comme quoi dire tasmiya c'est une obligation. C'est ce que rapporte Nasa'i ibn Khuzayma et l'imam Ahmed selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, compagnon du Prophète sallam, a dit que les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'histoire où les compagnons, ils ont cherché de l'eau, ils n'ont pas trouvé. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, est-ce qu'il reste de l'eau chez quelqu'un d'entre vous? Juste une petite, même si ça s'agit d'une petite quantité d'eau. Et on lui ramena un récipient où il y a juste une petite quantité d'eau, alors que les compagnons, ils étaient nombreux. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main dans cette eau et l'eau, il a jailli entre les doigts du Prophète. C'était un miracle. Anas, il dit, j'ai vu l'eau jaillir entre les doigts du Prophète. Et le Prophète, il a dit, faites vos ablutions au nom d'Allah. Tawadda'u bismillah. D'accord? Donc ça, ils prennent ça aussi comme argument que le Prophète a dit, faites vos ablutions au nom d'Allah. Et les compagnons ont fait leur ablution du premier jusqu'au dernier. Ce hadith, il est rapporté par Sheikhan, par le Bukhari et Muslim, sans la phrase où le Prophète sallam a dit, faites vos ablutions au nom d'Allah. Mais cette phrase est authentique. D'accord? Cette phrase est authentique. Donc ça, c'est une preuve comme quoi il est recommandé de dire Bismillah. Mais ce n'est pas une preuve que c'est une obligation. Et l'imam Nasa'i lui-même qui rapporte ce hadith avec cette phrase, faites vos ablutions au nom d'Allah, bismillah, il dit, il a mis ce hadith sous le titre, il est souhaitable de faire la tasmiya lorsqu'on fait les ablutions. Donc, quand il met ce titre-là, ça prouve que lui, il voit que c'est juste souhaitable. Et ils ont un autre argument, c'est ce que rapporte l'imam al-Bukhari, sous le chapitre la purification, chapitre Tahara. Et section, la tasmiya avant le rapport sexuel et dans toutes les situations. Il met ce titre-là sous le chapitre de la purification. Et on va expliquer comment Imam Bukhari, des fois, il met des titres et on a l'intention que le titre n'a aucun rapport avec le hadith. Mais si on cherche les grands savants, quand ils analysent, ils déduisent la raison, parce qu'il avait un degré d'intelligence assez très élevé, et donc ils usent d'efforts, à chaque fois ils déduisent quelque chose qui met le rapport, c'est ce qu'on appelle tarjama, le rapport entre le titre et le hadith. Il met ça dans Bab Tahara, la tasmiya avant le rapport sexuel et dans toutes les situations. Et il donne le hadith. Quel est ce hadith? Hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous voulant approcher sa femme, dit Bismillah, Seigneur, préserve-nous de Satan et préserve-en l'enfant que tu nous accordes. Si Allah décide de leur accorder, en accorder un de cette copulation, Satan n'a aucun pouvoir sur cet enfant.